À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, la séance d'explication de la vertu du général Kim Jong-il des femmes cadres et membres de l'Union des femmes a eu lieu le 6 courant à la Maison des femmes à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les femmes cadres et les membres de l'Union de Pyongyang. Par ailleurs, à la même occasion, les meetings des agriculteurs et membres de l'Union des travailleurs agricoles a eu lieu le 6 courant à la ferme coopérative de Changsan de l'arrondissement de Ryongchon de la province du Pyongan du Nord.